T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Yeah, let's see. Une heure au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le vaisseau Planète Indie, nous en sommes à l'émission numéro 370, nous sommes le samedi 5 mars, et je suis très très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. Si vous nous êtes fidèles, eh bien vous savez qu'on se retrouve chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 pour partir à la découverte du meilleur de la musique indépendante, du meilleur de la musique alternative. Et comme chaque fois, on a des nouveautés que vous n'avez encore jamais entendues sur cette radio, et il y a peu de chances que vous les entendiez, ailleurs, parce qu'on va piocher bien loin. Et je vous propose, pour commencer cette émission, d'écouter le tout nouvel album, le tout nouveau single plutôt, The Soulmate. Il se pose des questions existentielles puisqu'il se demande s'il est assez fort. Am I strong enough, The Soulmate? Et puis on poursuivra avec Camden, accompagné pour l'occasion du Gypsy Starfish. Et lui nous emmènera du côté du Japon avec un morceau qui s'intitule Fukushima Nightmares. Bah oui, j'imagine qu'il y a moyen d'en faire quelques-uns des cauchemars du côté du Japon. Voilà, on laisse la place à la musique. Restez bien branchés, on est ensemble jusque 18h30. Does it really matter that I'm Hi, this is Imagine Dragons, and we hope you enjoy this new track. The drum keeps beating louder every day. We're huddled together on our knees to pray. The governor says there is no other way. But we're a long way from our home. Yes, we're a long way from our home. It's not coming down from outer space. It walks among us and it wears our face. When will there be peace for the human race? We're a long way from our home. Yes, we're a long way from our home. S'intitule The Great Unknown, eux c'est Kenden accompagné du Gypsy Starfish. On écoutait la plage numéro 6, comme ça vous savez tout. Cette plage s'intitule Fukushima Nightmares. Au cours de cette émission, eh bien, notre powerplay nous emmènera du côté de l'Italie. Eh bien, oui, on a choisi un groupe italien. Avant cela, eh bien, on a encore d'autres nouveautés à vous faire découvrir. Et tout de suite, le groupe Passing Sirens avec le morceau Eyes. Et puis après cela, on écoutera The Harsh Blue et Light of Shadow. Sunshine girl. Voilà, à l'instant dans vos oreilles, The Harsh Blue Light of Shadow, et avant cela, les Passing Sirens, ça dépotait pas mal non plus. Avec le morceau Eyes, restez bien avec nous au cours de cette émission, on passera en revue aussi le palmarès de l'édition 2016 du Luxembourg City Film Festival. Bah oui, on avait parlé longuement au cours de l'émission précédente. J'espère que vous avez suivi nos conseils et que vous avez été voir des films, pas mal de films. Moi, j'en ai vu quelques-uns, c'était pas mal. J'ai vu encore voir un film polonais ce soir, bah oui, de Lure, ça s'appelle. Donc je pense qu'il y a encore des places. Et puis le palmarès donc est connu, on a l'autorisation de vous le dévoiler, donc on en parlera un peu plus longuement. On parlera aussi du palmarès FIFA 2016, c'est pas pour la Coupe du Monde de foot, hein, je vous rassure, le FIFA c'est le Festival International du Film d'Amour de Mons, qu'on a suivi pour vous aussi. Mais avant cela et avant de passer à la découverte de notre album Powerplay, on va du côté de la Suède avec une autre nouveauté, le groupe Brain, You Won't Get What You Want. The pain that's in my heart is the kind of pain I wear like a piece of art, and I'm surrounded by a wall. Inside is something that is difficult to hide, and if you think you got the key, you're gonna be disappointed in me. You won't get what you need from me. You won't get what you want. Whoa, whoa. You won't get what you need from me. I don't want you to be sad. We'll be right back. Allez, 17h22, vous écoutez Planet Indie en direct chaque premier samedi du mois sur votre fréquence préférée, bien entendu. Et puis, si vous nous entendez un dimanche, eh bien, c'est que vous écoutez notre rediffusion, puisque nous sommes rediffusés le lendemain, le dimanche suivant, aux mêmes heures, entre 17h et 18h30. Vous nous écoutez via les ondes radio, via Internet, via le câble télédistribution. Il y a pas mal de moyens pour profiter de la musique qu'on vous offre. Et à propos de musique, eh bien, je vous propose donc d'aller partir en Italie, du côté de Naples, plus exactement à Caserte, et c'est là que s'est formé le groupe les Psychopathic Romantics, puisque c'est eux qui sont notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie avec leur album Bread and Circuses. C'est un groupe qui s'est formé en 2005, et dans les premières années, eh bien, ils se sont contentés de faire énormément de concerts, essentiellement dans des clubs ou dans des festivals en Italie. Il en est ressorti, eh bien, un premier album qui s'appelle Altered Education, un album autoproduit et qui est sorti en 2007. En 2008, petit changement dans la composition du groupe, puisque il y a le chanteur, enfin, il va devenir le chanteur, Mario Dust Laporta, qui était le bassiste du groupe, et eh bien il va prendre le micro aussi et devenir le chanteur, et vous allez voir, il a une voix tout à fait particulière. En 2010, eh bien, un second album sort, un album qui s'appelle Pretty Prices, toujours autoproduit. Et puis entre 2010 et 2012, eh bien, ils font une petite tournée régionale en Italie, et puis ils font aussi des concerts en Angleterre et en Slovénie aussi. Voilà, ça c'est la petite introduction pour le groupe les Psychopathic Romantics. On en écoutera trois extraits aujourd'hui. On vous mettra aussi sur notre page Facebook une vidéo extraite de cet album. Cet album donc qui s'intitule Bread and Circuses. Et le premier extrait qu'on vous propose aujourd'hui, c'est Thank You. Bah oui, nous aussi, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque mois et à nous faire confiance pour vous faire découvrir le meilleur de la musique. Allez, on les écoute tout de suite avec le morceau Thank You, les Psychopathic Romantics. Hey, this is Dust from Psychopathic Romantics, and you're listening to Planet Indie. Power Play. Power Play. Our own crosses to bear. You picked up mine and you taught me no fair. Like an angel protector with lips so divine, you licked all my wounds, drank my blood with your wine. Changes bring changes and they take place in the evolution of man. And what hasn't killed me just reinforce me, and I do the best that I can. I wanna thank you. I wanna thank you. And the moon are aligned with the stars. Men are from Venus, women from Mars. While the rest of the galaxy doesn't understand that you're still a woman and I am a man. And changes bring changes and they take place in the evolution of man. And what hasn't killed me just reinforce me, and I do the best that I can. I wanna thank you. I wanna thank you. Of man. have to do is look at you. Across the room and I smile. We don't have to say a word. I look at you and I smile. It's been so long. It's been so long. I've loved you for so long. Not much has changed since you've been here. Maybe this time you'll stay. Put your head on my chest and close your eyes. Let it all just drift away. It's been so long. It's been so long. I've loved you for so long. Come up soon. I just wanna lay all day with you. Every time that I've been told I'm not enough, disappear with one touch from you. It's been so long. I've loved you for so long. It's been so long. It's been so long. I've loved you for so long. Hey, this is Chris from Underwhelmed, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Mike from A is for Adam, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Anya Parker Lentz, and you are listening to Planet Indie. Eu sinto que está tudo na minha mão, porém vagueio na escuridão. E o sonho passa ao lado, tens de o viver, tens de o agarrar, por mundos e fundos além mar. Quando tudo perde lugar, por onde andei, quem fiquei e por quem amei. A vida é uma procura que não tem fim, se vive assim, sempre ao encontro de algo melhor. Quando tudo perde lugar, quando a vida só nos faz lutar, quando isto vai acabar, quero voltar ao meu lugar. Voltar ao meu lugar. Encontrar o meu lugar. Voltar ao meu lugar. Quando tudo perde lugar, oh, quero voltar ao meu lugar. C'est un souvenir, enfin un demi-souvenir, puisqu'il nous ramenait pas très loin en 2013. Le groupe s'appelle Mel, M-E-L en majuscule, extrait d'un album qui s'intitule New Soul. On écoutait le morceau Quando. Bon, je prends pas beaucoup de risques, je suis pas un spécialiste du portugais, mais je prends pas beaucoup de risques en vous disant que ça devrait vouloir dire quand. D'ici quelques minutes, retour sur l'album des Psychopathic Romantics, mais avant cela, comme promis, je vais vous livrer le palmarès de l'édition 2016 du Luxembourg City Film Festival. Alors le grand gagnant de cette émission, c'est le drame germano-danois Land of Mine, un drame et un film réalisé par Martin Zandvliet et produit par Michael Reeks. Ce film eh bien, a remporté pas moins que 3 prix, le grand prix, le prix du jury jeune et le prix du public. Donc c'est pas mal, il sera rediffusé au cours de la soirée de clôture, c'est ce soir ou demain, c'est demain je pense. Vous allez voir sur luxfilmfest.lu et vous aurez l'information, mais je pense pas qu'il y a moyen d'avoir des places pour cette projection. Voilà, au niveau du prix documentaire, eh bien, il s'agit d'un documentaire qui s'appelle Mallory, réalisé par Elena Trestikova. Il sera rediffusé demain à 19h à la Cinémathèque à Luxembourg et le prix de la critique a été attribué au film The Hereafter de Magnus von Horn qui sera rediffusé lui aussi à la Cinémathèque, lui aussi demain, mais à 17h. Et puis pour les enfants, puisqu'ils avaient aussi leur programmation propre, leur coup de cœur va au film Red Trafi. Et puis on sera tout à fait complet en vous disant que Frenzy, c'est un film turc et le documentaire Sonita, ils repartent aussi avec des mentions. Et puis on a suivi aussi pour vous le Festival International du Film d'Amour de Mons. Pas mal de très très bons films. Moi j'ai adoré un film italien qui s'appelait C'est Dio Vuole. C'est une comédie, c'est très très très bien fait, très amusant. Donc si vous avez l'occasion, allez la voir. Et le vainqueur, c'est un film islandais qui s'intitule Virgin Mountain, sous-titré L'histoire du géant timide. Je crois quelque chose comme ça, c'est une belle fable moderne. Il a gagné un prix qui lui permettra d'être distribué en Belgique, donc il devrait, je ne sais pas s'il sera distribué au Luxembourg, mais il sera distribué en Belgique, donc il y aura peut-être l'occasion, l'opportunité de le voir à Arlon ou dans une salle dans la région. Peut-être à Virton au cours du Festival du film européen, on verra. Si je vois quelque chose passer, je vous tiendrai bien entendu au courant. Je vous rappelle le titre, Virgin Mountain, c'est un film islandais. Voilà, on poursuit en musique avec Courtney Yasmine, c'est une autre nouveauté, on ne l'a encore jamais entendu, avec un album Red Letter Day, et puis elle a sorti à côté de cela un EP, on va dire un unplugged, qui reprend certains des morceaux de cet album, mais en version acoustique. Là, on est dans la version, pas acoustique du tout, la version électrique. Le morceau, c'est la plage numéro 2, ça s'appelle Cleaning Crew, je vous rappelle son nom, Courtney Yasmine. Thank you. clean it up, clean it up right now. Clean it up, clean it up right there. Clean it up, clean it up right now. Clean it up, clean it up right here. Clean it up, clean it up right now. To my house the other day, had the nerve to say I wasn't living right. Wanna make it pretty, make it clean, yeah. Fix it up, make it all right now. Clean it up, ooh, yeah. Clean it up right now. Clean it up, ooh, yeah. Clean it up right now. If I throw you a bone, better pick it clean. Every word we said, everything we ever seen. Running out of time to finally get it right. Hold it up to the bright light, make it right. Clean it up right now. Clean it up right, yeah. Clean it up right now. Clean it up right, yeah. See myself through your eyes. First you took me under your wing, then you got me under your thumb. Can't waste any more precious time, gotta say goodbye, get it undone. Clean it up right now. Clean it up right here. Clean it up right now. Clean it up right here. Clean it up right now. Forget all your problems, I forget my pains. That wasn't Tuesday, nothing prepared. We were just younger and crazier. Do you remember? Nothing to say. In the water we used to play. After the party nobody could see us. Nothing serious. Deep and deeper in the clear water, far from the world, far from the other. I wish I was, I was the girl. And it felt so good to be diving in, but nothing prepared. We were just younger and crazier. But do you remember? Nothing to say. In the water we used to play. After the party nobody could see us. Nothing serious. Deep and deeper in the Elle est française, elle s'appelle Hilby, elle nous interprétait That Was On Tuesday. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous mardi, pour elle apparemment il s'est passé quelque chose. Moi j'essaie de me souvenir, mais non, rien de spécial mardi dernier. Allez, 17h45, retour sur notre album Powerplay. Je vous rappelle qu'il s'agit du groupe italien ou italo-américain les Psychopathic Romantics, un groupe donc originaire du sud de l'Italie, du côté de Naples. Je vous avais laissé tout à l'heure avec la mention de leur tournée concert, on va dire en européenne. C'est un peu ambitieux puisque ils ont fait essentiellement l'Angleterre avec Londres et puis un peu la Slovénie du côté de Ljubljana. Ça, c'était donc entre 2010 et 2012. En 2014, ils ont sorti un EP auto-intitulé ou auto-éponyme, voilà, c'est comme ça qu'on dit, et toujours autoproduit. Mais cet EP leur a permis de se faire remarquer et ils ont signé avec un label qui s'appelle Freak Oz Records. Et on arrive donc tout doucement en 2015, où ils sortent enfin leur troisième album qui s'appelle Bread and Circuses. C'est un album qui comprend 13 morceaux, 10 enregistrés en studio et puis 3 morceaux enregistrés en concert. Parmi ces morceaux, eh bien, il y a une reprise pour faire honneur au grand Jimmy Cash. Ça s'appelle Folsom Prison Blues. L'album a été soutenu par une tournée, notamment de nouveau dans le sud de l'Italie, au festival Gifoni, au Bulbart Festival ou encore au festival d'Albaccio. En 2016, eh bien, le groupe va essayer de monter une tournée en Grande-Bretagne. Et puis quand j'ai dit à leur manager que j'allais les passer comme powerplay aujourd'hui, il s'est dit « Oh, il faut absolument que je les fasse venir dans la région ». Donc peut-être qu'on aura l'occasion de les voir ici quelque part dans une salle du coin. Si c'est le cas, eh bien, je vous tiendrai, bien entendu, au courant. Et puis la bonne nouvelle aussi, c'est que cet album est disponible en téléchargement gratuit. C'est assez rare que pour le souligner. Vous cherchez le site de Freakers Records et puis voilà, vous pourrez télécharger l'album. Si moi je trouve le lien, je vous le mettrai aussi sur notre page Facebook. N'hésitez pas non plus à interagir avec nous pendant l'émission et même après sur la page Facebook de Planet Indie, c'est encore le plus facile. Allez, encore une petite anecdote avant d'écouter un second morceau. Petite anecdote concernant le nom de ce groupe Psychopathic Romantics. D'où est-ce que ça vient? En fait, c'était il y a à peu près une dizaine d'années quand je vous ai dit tout à l'heure qu'au début de leur formation, ils faisaient énormément de concerts et ils cherchaient des clubs et des endroits où ils pouvaient jouer. Et chaque fois, on leur posait la question, mais quel genre de musique est-ce que vous jouez? Ils répétaient inlassablement, on joue du rock romantique psychédélique. Et voilà, c'est de là que le nom est venu, parce que peu après, ils ont substitué au terme psychédélique le terme psychopathique. Voilà, c'est la petite histoire derrière le nom du groupe. Allez, on les écoute avec le morceau It's All For You. Bah oui, c'est tout pour vous. C'est notre powerplay ce soir dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Hey, this is Dust from Psychopathic Romantics, and you're listening to Planet Indie. Yeah. years of deformity at the London Institute. In the name of science, in the name of science, in the cold grey summer when I was young, I wanna run home and tell my mum. In the cold grey summer when I was young, I cried. Kids driving pedal cars round the London Institute, going down the corridor and straight at the stars. At the London Institute, brought back to life by the National Health. At the London Institute, swam out of formaldehyde and jumped off the shelf. At the London Institute, in the name of science, in the cold grey summer when I was young, I wanna run home and tell my mum. In the cold grey summer when I was young, I'll cry. C'était The Land Price Tree qui nous emmenait du côté de Londres avec The London Institute. On poursuit avec de la musique un peu plus samedi soir avec la chanteuse Sweet Anna Brown. Elle nous invite à nous échapper. Le morceau s'appelle Escape et puis après c'est Golden Boy. Il est un peu, vous savez, il est un peu déjanté. Mais on l'aime bien avec Back and Forth. Tout de suite, Sweet Anna Brown et Escape. Drifting toward in the shadows of silence, I try the darkness powers to ease my fear. But living amongst such blush and violence, psychologically, it takes time for us both to appear. But it's given me darkness grows a chance of my mind. My flight from reality is a sleep, the arrest. Totally unaware of the passage of time, life is to leave. And existence, I detest. Myself, others, keep trying to live without. Back and forth. l'instant donc Golden Boy Fosse Passin avec Back and Forth. Avant cela, c'était une nouvelle venue, Sweet Anna Brown et Escape dans 2 minutes, 1 minute 58 plus exactement. Retour sur notre album Powerplay, l'album des Psychopathic Romantics. Je vous rappelle que vous écoutez Planet Indie comme chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30. Vous nous écoutez sur les ondes de RGL, vous pouvez nous retrouver via internet, mais aussi sur le câble de télédistribution. Donc nous sommes disponibles potentiellement partout dans le monde. Nous en sommes à l'épisode numéro 370. Donc dans 2 minutes, retour sur l'album des Psychopathic Romantics. Pour vous faire patienter jusque là, on écoute Blair Clark avec Down on Me. Blair Clark avec Down on Me. 17h, 18h, 7 minutes. Allez, retour sur le Bread and Circuses des Psychopathic Romantics. Bread and Circuses, ça veut dire du pain et des jeux. J'imagine que vous savez d'où vient cette expression. C'était une expression qui était utilisée notamment à l'époque de l'Empire romain. Elle est reprise à l'heure actuelle par le groupe qui considère, eh bien, qu'elle s'applique aussi à l'époque que l'on vit maintenant. Il parle notamment des mesures d'austérité que le gouvernement italien a infligées à... Enfin, infligées, ça c'est eux qui le disent, hein, c'est leur point de vue. Moi je ne fais que retranscrire, je ne fais que le messager. Le gouvernement a infligé à la population et puis il dit qu'il a tellement facile avec un match de football ou n'importe quelle autre distraction, on va dire, de faire passer la pilule. Comme vous pouvez le remarquer, eh bien, les Psychopathic Romantics, ils sont assez branchés politiques, ils aiment bien décrire à propos de cela. Et puis alors, si vous voulez écouter leur propagande, et puis ils se reprennent, désolé, notre musique, n'hésitez pas à visiter la page du label Frequence Records. Moi, je vous ai mis sur le groupe Planet Indie le lien où vous pouvez télécharger donc gratuitement cet album, Bread and Circuses. Voilà, il est disponible pour vous. Si vous ne faites pas partie du groupe, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est, vous tapez dans Facebook Planet Indie, écrit à la française mais sans accent, Planète avec un E au bout parce qu'il y a des ersatz qui traînent un peu à gauche et à droite, enfin écrit à l'anglais. Ben, nous c'est Planète E Indie. Alors, leurs influences musicales, ils parlent notamment, puisque l'artiste Mario Laporta a vécu pendant quelques années aux États-Unis, eh bien, ils sont fort influencés par la culture anglo-saxonne. Leur musique va du classique au folk, du punk au blues, et puis du reggae à la musique traditionnelle italienne. Ils cherchent évidemment des endroits plutôt pour faire des concerts. Et puis comme ils ont réduit eh bien, leurs ambitions sur scène, ils peuvent jouer un peu dans n'importe quel endroit. Je vous ai dit donc qu'en 2016, ils devraient tourner en Grande-Bretagne, et puis peut-être passeront-ils dans le coin, puisque du fait qu'on les a passés comme ça assez bien et qu'on les a... On leur fait l'honneur de les jouer comme powerplay. Leur manager a dit on va essayer de les faire venir dans la région. Donc je vous tiendrai au courant. Troisième extrait qu'on écoute pour ce soir, ça s'appelle Open Wild. Je vous rappelle une dernière fois cet extrait de l'album Bread and Circuses des Psychopathic Romantics. Et c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Hey, this is Dust from Psychopathic Romantics. And you're listening to Planet Indie. Hey, this is Derek Thompson from Strive, and you're listening to Planet Indie. Hi, we're Lily Sparks. Hey, this is Mindle Beach Markets, and you're listening to Planet Indie. Planet Indie. l'instant, c'était Crumb Catcher avec Dishwasher. Pardon. Si vous aimez la musique qui dépote, eh bien, restez avec nous. On a encore de quoi vous satisfaire, puisque dans quelques minutes, on va écouter Ouzmatok. C'est une autre nouveauté avec More Than a Hero. Avant cela, je vous propose de passer en revue la programmation de la Rockale pour les jours et les semaines qui viennent. Et vous allez voir, ça dépote aussi. Alors, le 6 mars, c'est-à-dire demain, deux concerts au programme, Glasperlenspiel, et puis Wald, je connais pas, mais bon, ça a l'air pas mal. Le 10 mars, Feu Chatterton, le 11, comme je vous disais que ça dépote, hein, Völkerball, Tribute Rammstein, le 12, il n'y en a pas encore assez, Sabaton, le Sabaton Heroes Tour, et le 12 aussi, les Scorpions, ouais. Le 15, eh bien on va se calmer un peu avec la petite Zaz. Le 17, toujours pour les amateurs de chansons françaises, Louise Attack. Après cela, eh bien c'est pour les Italiens qui en aura, puisque le 19, c'est la venue d'Eros Ramazzotti, et le 20, c'est Eduardo Benato. Comme je vous disais, que ça allait dans tous les sens. Alors, on poursuit avec le 25, Paul Bellardi's Urban Voyage, avec un album release, si je me souviens bien. Le 26... Ah bah on change complètement de registre avec Maria Carré. Le 27, Matt Corby. Le 1er avril, Kygo. Et puis le 1er avril. Avant cela, j'ai oublié de vous parler du 30, la programmation de concert du 30 mars, c'est le Fat Freddy's Drop. Le 1er avril, donc Kygo. Et le 4 avril, Decapitated. Bah oui, ça ne s'invente pas. C'est un nom comme un autre. Et puis tant qu'à parler de ce qui va venir, je vous annonce la date de notre prochaine émission, mais bon, vous le savez, comme on a notre rendez-vous chaque premier samedi du mois, au mois d'avril, ce sera le 2 avril, ce sera l'épisode numéro 371 de Planète Indie. On va terminer, j'allais dire, tout en douceur, mais c'est pas vraiment le cas. Quand vous allez entendre Ouzmatok, on peut pas dire vraiment que ce soit tout en douceur. On va les écouter avec More Than a Hero, et puis on va donc terminer en roue libre, on va dire, la programmation de ce soir. Ah, je vous avais dit, hein, c'est pas tout en douceur. Time on 40. true. Jesus is God Almighty, Creator, Messiah, Lord. Jesus is more than a hero. Look to Him alone. Josh from Stone Diamond, you're listening to Planet Indie. A smile. Yeah. So many years, afraid of the searching, afraid of the truth, afraid of reflection, always projecting negative thought forms, getting screwed up inside. Ask why. C'est un morceau qu'on aurait dû écouter le mois dernier, mais on a été un peu pris par le temps. C'est donc une nouveauté, il s'appelle Ram Ramakara et Heal Yourself. On va se terminer avec le groupe Tes Yeux Rouges, c'est du rap belge. Ils sont tellement pressés qu'ils ont voulu passer avant Ram Ramakara. On va se quitter avec eux, donc le morceau s'intitule One Smile. En ce qui me concerne, j'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Soit vous allez sur notre site internet, ou soit vous nous rejoignez sur Facebook. Planète Indie, dans tous les cas, P-L-A-N-E-T-E, et puis Indie, I-N-D-I-E. Vous mettez ça dans Google, et puis il n'y a pas de souci, vous allez nous trouver. Notre prochain rendez-vous, ce sera donc le 2 avril, entre 17h et 18h30, donc sur cette même fréquence. D'ici là, passez une bonne soirée, un bon week-end. Et puis on se retrouve donc le 2 avril pour l'épisode numéro 371 de Planète Indie. À bientôt. Action rebelle, juste pour aller bien. Mission, sourire. Action rebelle, un seul destin. Expression, le sentir. Le monde réel, on lui appartient. Mission, sourire. Le monde réel, ton sourire est le sien. Expression, le sentir. Et n'oubliez pas non plus qu'il y a encore des projections ce soir et demain dans le cadre du festival du film de Luxembourg. Aïe aïe aïe, regard, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, vision, aïe aïe aïe. Mon bouclier m'a emporté, le monde l'a rendu léger, je l'ai presque oublié d'attaquer. À travers l'espace, à travers le temps, griffer un sourire, ça se passe tout le temps. Griffer un smile, yeah. Un smile, yeah. Smile, juste pour voir ce que c'est bon de l'avoir. Son monde expressif rempli de codes, langage, du vouloir, au pouvoir, en passant par le valoir. Faut y croire, c'est du blanc sur noir. Nous par-